الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. إذا سألته أعطاك Quand tu lui demandes, il te donne. وإذا توكلت عليه كفاك Et dans le cas où tu t'en remets à lui, il te suffit. وإذا أتيت بابه أواك Et dans le cas où tu t'adresses à sa porte, il t'abrite. وَإِذَا نَسِيْتَهُ لَمْ يَنْسَاكَ Et dans le cas où tu l'oublies, lui, il ne t'oubliera jamais. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلِيُّ الصَّالِحِينَ Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. خَرَجَ رَجُلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Un homme est parti pour la cause de Dieu. وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ وَأَوْلَادَهُ Et il a laissé derrière lui sa femme, ses enfants. فَجَاءَتْ النِّسَاءُ إِلَى زَوْجَتِهِ Les femmes du quartier sont venues vers son épouse. وَقُلْنَ لَهَا Pour lui dire, يَا مِسْكِينَ مَنْ يَقُومُ عَلَى عِيَالِكَ وَمَنْ يَرْعَى أَوْلَادَكَ Au pauvre, qui va prendre en charge tes enfants إِذَا كَتَبَ اللَّهُ الْمَوْتَ عَلَى زَوْجِكَ Dans le cas où Dieu décrète la mort pour ton mari. فَقَالَتْ لَهُنَّ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ Et la femme vertueuse leur dit, إِنِّي أَعْرِفُ زَوْجِي أَكَّالًا Je connais mon époux, je connais mon mari comme consommateur, comme mangeur. وَلَمْ أَعْرِفُ رَزَّاقًا Et je ne l'ai jamais connu comme donateur de subsistance. فَإِذَا مَاتَ الْأَكَّالُ بَقِيَ الرَّزَّاقُ Dans le cas où le consommateur décède, le donateur de subsistance est éternel, ne meurt jamais. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيبَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ الصَّادِقُ الْأَمِينُ Et j'atteste que notre maître est bien-aimé Muhammad et l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم il dit prière et salut sur lui الحج المبرور le pèlerinage agréé يعني الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية le pèlerinage agréé est celui pendant lequel le pèlerin ne commet aucun péché ليس له جزاء إلا الجنة ce pèlerinage n'a aucune récompense à part le paradis, muttafaqun alayh, unanimement authentique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nom des sables du désert, wa awladi adam wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd, Après ceci, أيها الإخوة والأخوات في الإسلام, mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى, très cher au bien-aimé Muhammad al-Mustafa, عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام, pour lequel on demande et on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. إننا الآن على أبواب شهر ذي الحجة. On est actuellement devant les portes de ce mois du pèlerinage. وبعد عشرة أيام تقريبا après 10 jours approximativement يكون عيد الأضحى il y aura la fête du sacrifice وليس عيد الأكباش et non pas la fête des moutons كما يقولون فهذا خطأ comme ils le disent la fête des moutons il s'agit d'une erreur c'est la fête du sacrifice والأضحية إرث أبينا إبراهيم عليه السلام Le sacrifice est l'héritage de notre père Abraham, prière et salut sur lui. Wa sunnatu nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le sacrifice en même temps constitue la sunna de notre prophète Muhammad, prière et salut sur lui. Yaqumu biha al-qadiru alayha, le sacrifice est accompli par celui qui en est capable, qui a les moyens. Liyashkura ni'ama Allahi alayhi. Afin de remercier les grâces ou les bienfaits de Dieu pour lui. حيث أطال في عمره سنة سنة أخرى parce que Dieu lui a prolongé sa vie encore pendant une autre année. وليغفر الذنوب et afin de se faire pardonner ses péchés. وليعطي للفقراء من لحمها et afin qu'il donne aux pauvres de son sacrifice. والملاحظ أنه في هذه السنوات الأخيرة ce qu'on a remarqué ou ce qui est remarqué c'est que pendant ces dernières années صارت الأضحية صعبة جدا في فرنسا. Le sacrifice est devenu, je parle généralement, on ne parle pas d'une région, d'un quartier par rapport à un autre, mais on parle d'une façon générale. صارت الأضحية جد صعبة في فرنسا. Le sacrifice est devenu très très difficile en France. نتيجة القوانين الجديدة et ceci à cause de quelques nouvelles lois ou réglementations التي لا تسمح بالذبح إلا في المذابح. Cette nouvelle réglementation qui n'autorise d'abattre des bêtes que dans des abattoirs. ونتيجة زيادة ثمن الأكباش بمناسبة العيد et à cause de la grande augmentation des prix des moutons à l'occasion de la fête musulmane. فصار المسلم لا يعرف ماذا يصنع et le musulman ne sait plus quoi faire. إذا اشترى عند الجزار dans le cas où il achète auprès d'un boucher, la ya'khud lahm al-kharouf illa fil layl ou fil ghad, il n'obtient, il ne prend le, comment dire, son sacrifice que pendant la nuit ou bien même le lendemain. Wa idha arada ad-dabh bi nafsihi fa sayghib tul an-nahar, dans le cas où il veut sacrifier lui-même, égorger lui-même son sacrifice, il doit s'absenter toute la journée. Nahar al-Eid huwa ghaib. Le jour de la fête, il est absent. Il n'est pas avec ses enfants. Yusafir akthar min 40 kilomètres. Il va voyager plus que 40 kilomètres. Ahad al-Ikhwa qala li 300 kilomètres dhahaban wa iyaban. L'un de mes frères m'a dit une fois, le voyage est de 300 kilomètres aller et retour. للبحث عن الفكش afin de chercher le mouton. ولا يعود إلا في المساء et il ne revient chez lui que le soir. فالإنسان في يوم العيد, donc l'homme, le musulman, pendant la journée de la fête, لا يحس بالراحة, il ne ressent pas le repos. لا يحس بالفرحة, il ne ressent pas la joie de la fête. لا يجلس مع أولاده, il ne reste pas à côté de ses enfants. لا يزور العائلة والأصدقاء, ils ne rendent pas visite à la famille et aux proches et aux amis. بمعنى يوم العيد لم يبقى يوم عيد, ça veut dire le jour de la fête n'est plus une journée de fête. يوم الراحة صار يوم عذاب, le jour du repos est devenu un jour de châtiment, de souffrance. يوم الفرحة صار يوم ألم, le jour de la joie est devenu un jour de douleur. يظل الإنسان جائعا, l'homme passe sa journée affamé, il n'a même pas le temps de manger ou il ne trouve pas où manger. بعيدا عن بيته, il passe la journée de la fête très loin de chez lui. ولما يأتي باللحم في المساء أو الغد, et lorsqu'il apporte la viande de son sacrifice le soir ou le lendemain, لا يريد الأطفال أكله, les enfants ne veulent pas le manger. لأن فيه كثير من الشحوم, parce que dans cette viande de mouton il y a beaucoup de graisse. والأطفال بفرنسا لا يأكلون الشحوم, et les enfants en France ne mangent pas la graisse. لأن فرنسا غنية, parce que la France est un pays riche. أما أطفال الدول الفقيرة في إفريقيا وفي غيرها فيأكلون كل شيء. Mais les enfants dans les pays pauvres d'Afrique ou d'Asie mangent toutes choses, la graisse au moins que la graisse. As-sunna an yasoum al-muslim sabah al-eid. La sunna du prophète, prière et salut sur lui, est que le musulman observe le jeûne le matin de la fête du sacrifice. Hatta yuftira bilahm al-kabid, jusqu'au moment où il rend son jeûne par le foie. حوالي الحادية عشر صباحا, alentour de 11h, 11h30 du matin. الآن من أراد احترام هذه السنة, maintenant celui qui veut respecter cette sunna, فعليه أن يصوم إلى الليل أو إلى الغد. Celui qui veut respecter la sunna aujourd'hui, en France, il doit jeûner jusqu'à la nuit parce que le mouton n'arrive que la nuit, ou bien il doit jeûner jusqu'à demain. وأمام هذه الظروف الصعبة, et devant ces conditions très difficiles, كثرت التساؤلات, il y a beaucoup d'interrogations. ما العمل, que faire? أولا, هناك ناس يذبحون قبل العيد بيوم, بغوا يسبقوا الناس هذو, ناس يذبحون قبل العيد بيوم, il y a des gens qui égorgent leur sacrifice la veille de la fête, une journée avant la fête. وذبيحة هؤلاء باطلة, et le sacrifice de ces gens-là n'est pas valable. ثانيا, deuxièmement, هناك من يذبح في صباح العيد مبكرا, يسبق الناس وما يمشي يصلي وهو يمشي ديريكت يذبح مبكرا قبل الصلاة. Il y a des gens qui égorgent le jour de la fête, mais de bonne heure, tôt le matin, même avant la prière. حتى لا يكون عدد الناس كبيرا, ainsi le nombre des gens ne sera pas très très grand à l'abattoir. وذبيحة هؤلاء باطلة, et le sacrifice de ces gens-là est non valable. لأن وقت الذبح في الإسلام يبدأ بعد صلاة العيد. Parce que en islam, le moment où on peut commencer à égorger le mouton démarre ou commence après la prière de la fête. ويمتد إلى غروب شمس اليوم الثالث, et ce moment d'abattage se prolonge jusqu'au coucher du soleil du troisième jour. بمعنى يوم العيد ويومان بعده, ça veut dire le jour de la fête et deux jours après la fête, حسب المالكية والحنفية والحنابلة, selon les rites des malikites, des hanafites et des hanbalites. أما الشافعية فقالوا أربعة أيام يوم العيد وثلاث أيام بعد العيد, يعني أيام النحر أو أيام التشريق. Mais les شافعيتes, ils ont dit quatre jours d'abattage, le jour de la fête et trois jours par la suite. ومن ذبح قبل صلاة العيد فعليه أن يعيد الذبح. Celui qui égorge avant la prière de la fête doit recommencer, doit acheter un autre mouton et l'égorger de nouveau. ثالثا, هناك من ترك الذبح. أمام هذه المشاكل ما بقاش يذبح, ترك الذبح. Troisièmement, il y a des gens qui ont renoncé au fait d'égorger parce qu'il y a trop de problèmes. رابعا, هناك من يرسل ثمن الأضحية لبلاد أخرى. Quatrièmement, il y a des gens qui envoient le prix du sacrifice vers d'autres pays. Il a akhiré, etc. Et même à هذه الأسئلة الكثيرة, devant ces questions nombreuses, أحب أن أعطي اليوم جوابا. J'aime donner aujourd'hui une réponse. ربما يريح كثيرا من الناس, qui peut peut-être soulager beaucoup de gens. وأبدأ بهذا السؤال, et je commence par cette question. ما حكم الأضحية في الإسلام? Quel est le statut du sacrifice en islam? الجواب, la réponse, سنة مؤكدة بالنسبة للقادر. Une sunna, le sacrifice en islam, est une sunna recommandée, et ceci pour celui qui en a les moyens, celui qui en est capable. Là, le faqir, et non pas le pauvre. والقادر هو الذي يملك ثمنها يوم العيد زائدا عن حاجياته. Et celui qui est capable est et bien sûr, celui qui a de quoi payer son sacrifice en plus de ses besoins ou ses nécessités journalières. أما غير القادر فقد ضحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه. Mais en ce qui concerne le pauvre ou celui qui n'a pas les moyens, celui qui n'est pas capable, le prophète, prière et salut sur lui, a sacrifié pour lui, selon ابن ماجه. ضحى بكبشين واحد عن نفسه وواحد عن أمته. Le prophète, prière et salut sur lui, a sacrifié deux béliers, un pour lui-même et un pour toute sa nation. رواه الإمام مسلم, rapporté par l'imam مسلم. وقال الشافعية, les شافعيتes disent, هي سنة مؤكدة للمنفرد مرة في العمر. إذا ذبح مرة خلاص. Et les شافعيتes ont dit, pour la personne qui vit seule, le sacrifice est une sunna recommandée une fois par vie. C'est-à-dire, s'il a égorgé une fois, c'est bon. يفهم من هذا الكلام on comprend à partir de ces paroles أن الأضحية ليست فريضة que le sacrifice n'est pas une obligation كالصلاة والصيام le sacrifice n'est pas comme la prière ou comme le jeûne لهذا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يضحيان حتى لا يظن أنها فريضة raison pour laquelle Abu Bakr et Omar que Dieu soit satisfait d'eux ne sacrifiaient pas pendant la journée de la fête pour que les gens ne pensent pas que le sacrifice est une obligation rawahu al-Bayhaqi rapporté par l'imam al-Bayhaqi السؤال الثاني la deuxième question هل يجوز إرسال الأضحية إلى بلد آخر est-il permis d'envoyer le sacrifice vers un autre pays الجواب نعم يجوز ذلك la réponse oui ceci est permis إذا أرسلت إلى بلد أهله أكثر حاجة وأكثر فقرا من أهل البلد الذي أرسل oui ceci est permis dans le cas où tu envoies vers les gens d'un pays qui est plus pauvre que le pays dans lequel tu vis هذا رأي الحنفية والمالكية والحنابلة. Ceci est l'avis de trois rites, les Hanafites, les Malikites et les Hanbalites. السؤال الثالث, la troisième question. كم عدد الزيادة في ثمن الأضحية يوم العيد? Quel est le montant ou la valeur de l'augmentation du prix du sacrifice le jour de la fête? الجواب, la réponse, حوالي 100 أورو في كل خروف. À peu près l'augmentation, le prix ou l'augmentation du prix est égale à 100 euros pour chaque mouton. Ça veut dire le mouton dans les jours normaux, il se vend à un prix. Mais le jour de la fête, il passe à 100 euros plus. Ça veut dire il devient plus cher de 100 euros. زيادة أكبر من 65 في المئة. Une augmentation qui dépasse 65%. وأصحاب المذابح هم الذين يقررون الثمن et ce sont les propriétaires des abattoirs en France qui décident du prix ومع كل عيد يزيدون في الثمن et à chaque arrivée ou à chaque fête de sacrifice ils augmentent les prix لأنهم يعرفون أن المسلمين سيشترون ولو زادوا عليهم البئة بالمئة parce que ces gens savent avec certitude que les musulmans vont acheter les moutons chaque année, même si on augmente les prix à 100%. Il y a des gens qui ne font même pas la prière, des musulmans qui ne prient pas. Mais ces gens qui ne font pas la prière font le sacrifice. Ils ont négligé ce qui est obligatoire et ils se sont attachés à ce qui est surérogatoire. L'augmentation des prix en France, en ce qui concerne les moutons le jour de la fête, est proche ou est approximativement égale, cette augmentation générale, est approximativement égale à 120 millions d'euros. Mais 12 milliards centimes euros, ou bien 12 milliards de centimes d'euros. 120 milliards centimes du dirham ou bien 120 milliards de centimes du dirham. Hadi ياخذها اصحاب المذابح كل سنه. Cette somme 120 millions d'euros est prélevée chaque année par les propriétaires des abattoirs. ليصبحون من اصحاب الملايير على ظهور المسلمين. Afin qu'ils deviennent parmi des milliardaires sur le dos des musulmans. 120 millions d'euros, 120 millions d'euros. تبني أكثر من 40 مسجدا. Cette somme est capable de faire construire plus que 40 mosquées. أو أكثر من 40 مذبحا. لتحل هذه المشاكل, مشاكل الذبح. Cette somme, 120 millions d'euros, est capable de faire construire plus que 40 abattoirs. Qui peuvent résoudre le problème de la fête en France. Ou أكثر من 40 مدرسة إسلامية. Cette somme est capable de faire construire en France plus que 40 écoles musulmanes. Ou أكثر من 40 مصحة إسلامية للولادة, لولادة المسلمات, ou لتوليد المسلمات. Cette somme est capable de faire construire plus que 40 cliniques de maternité. afin que les musulmanes puissent accoucher dans ce genre de clinique. Et ceci chaque an, on perd, on brûle, on gaspille cette somme de 120 millions d'euros. L'argent des musulmans se perd, se gaspille, et ceci tous les ans. Et les musulmans, غير قادرون على تنظيم أنفسهم بأنفسهم. Et toujours les musulmans sont incapables de s'organiser par eux-mêmes لتوفير هذه الملايين أو الملايير لتكون في خدمة الإسلام بفرنسا, sont incapables par eux-mêmes de s'organiser afin d'épargner ces millions, ces milliards pour les mettre au service de l'islam en France. أخي أختي, frères, sœurs, أمام هذه الزيادة الكبيرة, devant cette grande hausse des prix, أفتى منذ عدة سنوات الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي بعدم الأضحية بفرنسا. Depuis plusieurs années, le شيخ الدكتور يوسف القرضاوي a donné son fatwa, son avis, de ne plus sacrifier en France. وإرسالها إلى دول أخرى, et d'envoyer la somme du sacrifice vers d'autres pays, comme la Palestine, l'Irak, l'Irak, le Soudan, etc. Mais l'udhiya bi Palestine wa l'Irak la tukallif akthar min 91 euro hadhihi as-sana, sachant que le prix du sacrifice en Irak ou en Palestine cette année et comme l'année dernière ne dépasse pas 91 euros. أما في السودان فلا تكلف أكثر من 51 أورو. Le prix du sacrifice dans le Soudan ne dépasse pas plus que 51 euros. وفي بعض الدول كالهند لا تكلف أكثر من 40 أورو. Dans quelques pays comme l'Inde, le sacrifice ne dépasse pas 41 euros. بمعنى 80 أورو تكفي لعائلتين في الهند, عائلتين مسلمتين. Ça veut dire 80 euros, tu envoies par exemple en Inde, et ça fait le sacrifice pour deux familles, et non pas une seule. Et sur tout ce qui a été dit, en se basant sur tout ce qui a été dit aujourd'hui, يمكن إرسال ثمن الأضحية إلى عائلته الفقيرة في بلاده. Chacun de nous peut envoyer la somme du sacrifice vers sa famille pauvre qui se trouve dans son pays d'origine. ويوكلهم فيذبحون بالنيابة عنهم. Il leur donne une procuration et ils vont abattre la bête à sa place. Ça veut dire ils vont citer son propre nom avant d'abattre. هم يأخذون اللحم. Eux, ils vont prendre le cadavre, ils vont prendre la viande. وأنت تأخذ الأجر. Et toi, tu prends l'immense salaire. أنت تفرحهم يوم العيد. Toi, tu les rends heureux, joyeux le jour de la fête. Wallahu yufrihuka fid dunya wal akhirah. Et en contrepartie, Dieu te rend joyeux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wa hunaka imkaniyya ukhra, il y a une autre possibilité. Ou an tattasil bil ighath al islamiyya, c'est que tu rentres en contact avec le secours islamique. On a en France, ici en France, et surtout ça existe à Paris. Ou l'Ajna al-Khayriya, les Mounasarat Philistin, où tu rentres en contact avec le CBSP, le Comité de Bienfaisance et du Soutien aux Palestiniens, il a arrivé, etc., ou d'autres associations de bienfaisance. Ou t'entres faqat lil mawqi' bil internet, ou bien tu entres seulement dans leur site d'internet, ou t'akhtar ul balad. Et tu choisis le pays, par exemple le Soudan, je ne sais pas, l'Inde ou ce que tu veux. Et tu payes ton sacrifice uniquement par le numéro de ta carte bancaire. Tout ceci, tu peux le faire chez toi, sans faire 40 ou 300 kilomètres. Tu le fais chez toi, derrière ton ordinateur. Min ghayri mashaqqa, sans aucune difficulté. Ces associations de bienfaisance vont faire l'abattage par procuration à ta place, et ils vont distribuer la viande aux pauvres dans le monde. Et maintenant peut-être quelqu'un va dire, comment Comment dois-je faire, moi qui ai des enfants ici en France, je veux leur apprendre les traditions de la fête. Aqoul, je dis, la sunna du prophète, prière et sacrifice, c'est que tu manges avec ta famille le tiers de ton sacrifice. Et de donner comme cadeau le tiers, les arnia, les asdiqa, les jiran, vers tes connaissances riches, des amis, des proches, des voisins, etc. Ou à tasadduq bi thuluth, et de donner comme aumône le tiers, c'est-à-dire aux pauvres, les fuqara. Ma'na dhalik, annaka la ta'kul illa thuluth min al-udhiya. Ceci signifie que tu ne consommes que le tiers de ton sacrifice. Rarma annaka tashtariha bi akthar min 250 euro, ou ma yuqarib hadha al-thaman. Malgré que tu l'achètes à 250 euros, un prix équivalent. Et tu souffres pour avoir la viande le jour de la fête. Dans le cas où le musulman achète un sacrifice pour une famille palestinienne, par exemple, à 90 euros, et dans le même temps, il achète le tiers, uniquement le tiers ou la moitié d'un mouton ici, pour lui-même en France, c'est-à-dire pour sa famille, quelques jours avant la fête, parce que le jour de la fête, les prix sont multipliés par 1,65. Tout ceci, fêté pour une famille palestinienne ou autre, et fêté pour ta famille, te coûte 150 euros uniquement. وَهَكَذَا يَكُونَ قَدْ أَفْرَحَ عَائِلَ مُسْلِمَ فِي فَلَسْطِينَ الْعِرَقَ أَوْ غِيْرَهَا. Ainsi, il aura rendu la joie ou entré dans les cœurs d'une famille musulmane, la joie dans la Palestine, l'Irak ou autre. وَيَرْتَاحْ يَوْمَ الْعِيدِ مِنَ الْعَذَابِ. Et il est soulagé de toute la souffrance du jour de la fête. وَيُفْطَرْ بِالْكَبِدْ فِي الْوَقْتِ الْعَادِ الْحَدَاشِ يَفْطَرْ بِالْكَبِدْ مَعَ أَوْلَادِهِ يَوْمَ الْعِيدِ. Et à 11h, il va rompre son jeûne matinal avec le foie, entouré de ses familles, chez lui, le jour de la fête. Et il va économiser, épargner 100 euros. Ces 100 euros qui sont pris par les propriétaires d'abattoirs injustement. Aqoul hadha al-kalam li uballigh lin-nas fatwa al-shaykh al-doktour Yusuf al-Qaradawi. Je dis ces paroles afin de transmettre aux gens la fatwa ou bien l'avis du shaykh al-doktour Yusuf al-Qaradawi. Wa li udhakkir bi anna al-islam din yusr wa laysa din usr. Et pour que je rappelle à tout le monde que l'islam est une religion de facilité et non pas de difficulté. فَمَنْ كَانَ يَجِدُ الْعُسْرِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ مِنْ أَجْلِ الدَّبْحِ. Celui qui rencontre la difficulté le jour de la fête à cause de l'abattage, فَلْيَعُدْ إِلَى يُسْرِ الْإِسْلَامِ. Qu'il revienne vers la facilité proposée par l'islam. أَمَّا الَّذِي يَسْتَطِيعُ فِي فَرَنْسَ شِرَاءَ الْخَرُوفِ بِثَمَنٍ مَقْبُولٍ. Tandis que celui qui arrive à acheter ici même en France le mouton, le sacrifice, à un prix acceptable, et il arrive à sacrifier son mouton dans un temps raisonnable, le matin de la fête, cette personne n'est pas concernée par la fatwa du Cheikh Al-Qaradawi, ولكن هذا لا يمنعه من تقديم المساعدة لإخوانه الفقراء في العالم. Mais ceci ne l'empêche pas, ne le prive pas de donner l'aide, d'assister ses frères, les pauvres dans le monde entier, وخصوصاً في عصرنا عصر الإنترنت, et surtout à notre époque, l'époque de l'internet. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci, serviteurs de Dieu, سنبدأ في العشر ou fil asrat ayyam min dhil hijjah. Nous allons commencer les 10 jours du mois de pèlerinage. Shahr al-Hajj. Shahrin min al-ashhur al-hurum, un mois parmi les mois sacrés par Dieu. هذه العشرة أيام الأولى هي من أفضل الأيام عند الله. Ces 10 premiers jours du mois de pèlerinage sont parmi les meilleurs jours auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. رواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ceci a été rapporté par l'imam البخاري, الترمذي, أبو داود et ابن ماجه sur le prophète صلى الله عليه وسلم. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه. Anas, fils de Malik, que Dieu soit satisfait de lui, dit: fil ayyam al-ashr, pendant les 10 jours qui vont commencer, kullu yawm bi alf yawm, chaque jour est comptabilisé par 1000 jours. Wa yawm arafa bi 10,000 yawm, et le jour d'Arafa est comptabilisé par 10,000 jours. Rawahu al-Imam al-Bayhaqi, rapporté par l'Imam al-Bayhaqi. Ila darajat an aqsama Allah bi hadhihi al-ayyam fi surat al-Fajr, jusqu'au point que Dieu a juré par ces 10 jours dans le chapitre l'Aub. Qala wal fajr wa layalin 'ashr. Il a dit par l'Aub et par des nuits au nombre de 10. Fa hiya ayyam 'ibada, il s'agit de jours d'adoration, dhikr, d'évocation, qira'at Qur'an, récitation coranique, siyam, le jeûne. Man sam yawm kana usam 1000 yawm, celui qui jeûne un jour comme s'il a jeûné 1000 jours. Qiyam layl, veillée nocturne par la prière, sadaqa, aumône, ila akhiri, etc. Akhi, ukhti, frère, sœur, fi hadhihi al-ayyam al-'ashr, pendant ces 10 jours, ayyam al-khayr wal-ihsan, jour de bien et bienfaisance, ikhwanukum ahlu Falastin al-muhasarin mundu sinin, vos frères, les Palestiniens, qui sont assiégés, qui subissent un blocus général depuis des années, yunadunakum, vous appellent. Al-jiya'u yunadunakum, les affamés vous appellent. Al-yatama yunadunakum, les orphelins vous appellent. Al-nisa'u al-aramil yunadunakum, les femmes veuves vous appellent. Wa haqad sami'tumun nida', et vous voici, vous avez bien entendu leur appel. Et voici Dieu le Très-Haut est en train de vous voir et voir votre réaction. Profitez de ces jours de bienfaisance, les 10 jours du pèlerinage. Rendez joyeux les orphelins pendant cette fête. Ruddul ibtisama lil yatam fi hadha al-eid, rendez le sourire de nouveau aux orphelins pendant cette fête. Fal eid fursa lit tadamun, la fête est une occasion de solidarité. Fala tudayyihuha, ne la ratez pas. Arsilu thaman al-udhiya ila al-a'ilat al-falastiniya, envoyez le prix du sacrifice aux familles qui ne mangent pas la viande toute l'année, aux familles palestiniennes, al-iraqiya irakienne, al-soudaniya soudanaise, al-somaliya en Somalie, al-afghaniya et afghane ila akhiri, etc. فَمَا أَكْثَرَ الْمُسْلِمِينَ الْفُقَرَاءَ فِي الْعَالَمِ, combien les pauvres musulmans sont très nombreux dans le monde entier. لَا تَكُونُوا أَنَانِيِينَ, ne soyez pas égoïstes. تَعِيشُوا لِأَنفُسِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فَقَطْ, des égoïstes qui vivent uniquement pour eux-mêmes et pour leurs enfants. فَكِّرُوا فِي الْآخَرِينَ, pensez aux autres. فَكِّرُوا فِي الْمَحْرُومِينَ, pensez aux privés. يقول الإمام الواقدي رحمه الله, l'imam al-Waqidi, que Dieu l'englobe par sa miséricorde, dit: قبل العيد بأيام, avant la fête de quelques jours, قالت لي زوجتي, ma femme m'a dit: ليس لنا شيء لهذا العيد, on n'a rien pour faire face à cette fête qui arrive. فذهبت إلى صديق لي تاجر, je me suis dirigé vers un ami à moi qui est commerçant, تاجر يبيع ويشري. فأعطاني كيسا فيه ألف دينار ومئة درهم, et il m'a donné un sachet contenant 1000 dinars et 200 dirhams, ça veut dire 1200 dirhams. فلما وصلت منزلي, lorsque je suis arrivé chez moi, جاءني صديق لي هاشمي, un ami à moi, هاشمي, ça veut dire de la descendance des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hashimi yani min ali al-bayt min aqarib an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fashtaka ilayya min azmatihi al-maliya qabla al-eid, et il s'est plaint à moi de sa crise financière avant la fête. Fadakhaltu 'inda zawjati, je suis entré chez ma femme. فأخبرتها, je l'ai informé. Regardez la consultation, le dialogue entre l'homme vertueux imam et sa femme. Il ne décide pas uniquement, lui seul, sans tenir compte de la vie de sa femme. فقالت, la femme dit, على أي شيء عزمت, qu'est-ce que tu comptes faire? قلت, على أن أقاسمه الكيس, j'ai dit à ma femme, je vais partager avec lui à moitié la, le sachet. فقالت زوجته, sa femme lui dit, أتيت رجلا عاديا, tu es parti chez un homme ordinaire, le commerçant. فأعطاك 1200 درهم, il t'a donné 1200 dirhams. وجاءك رجل هاشمي من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم, et maintenant un homme hachimi des proches du prophète vient vers toi. فتعطيه نصف ما أعطاك الرجل العادي, et tu vas lui donner uniquement la moitié que t'a donné un homme ordinaire qui n'a pas ta science. وأنت إمام عالم, toi l'imam savant. فأخرجت الكيس كله إلى الصديق الهاشمي, et j'ai sorti la totalité du sachet vers l'ami hachimite. Famada, il est parti. Fadahaba sadiqi tajir ila al-hashimi, et mon ami le commerçant est parti voir l'hachimite, l'homme hachimite. Wa kana sahibahu wa qad kana at-tajir a'tani kull ma 'indahu, et c'était son ami. Et en même temps, le commerçant m'avait donné tout ce qu'il avait, c'est-à-dire les 1200 du commerçant, c'est tout ce qu'il avait épargné pour la fête. فَشْتَكَى لِلْهَاشِمِ مِنْ أَزْمَتِهِ الْمَالِيَ قَبْلَ الْعِيدِ, et le commerçant s'est plaint auprès de l'homme hachimite de sa crise financière avant la fête. فَأَعْطَاهُ الْهَاشِمِ الْكِيسَ كُلَّهُ, et l'homme hachimite lui a donné le sachet entièrement, les 1200 euros. هَذَا هُوَ الصِّدْقُ, telle est la sincérité. الْكِيسُ قَامَ بِجَوْلَ, le sachet a fait une tournée. ذَهَبَ مِنْ عِنْدِ التَّاجِرِ, il est parti des mains du commerçant. إِلَى الْإِمَامِ الْوَاقِدِ, vers l'imam al-Waqidi. إِلَى الرَّجُلِ الْهَاشِمِ, vers l'imam Hashimi. وَعَادَ إِلَى صَاحِبِهِ التَّاجِرِ, et il est revenu à la fin vers son propriétaire, le commerçant. أَيْنَ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ الْيَوْمِ, où sont-ils des, aujourd'hui des hommes pareils à ceux-là? أين أمثال هذه المرأة اليوم, où sont-elles aujourd'hui des femmes pareilles à celles-ci? كان الإنسان يحمل هم الأمة, à leur époque l'homme, le musulman, portait sur ses épaules le souci de la nation entière. أما الآن فنحن أنانيون, tandis qu'aujourd'hui on est devenus des égoïstes. كل لنفسه, chacun pour soi. ولما صرنا هكذا, et lorsqu'on est devenu ainsi, صارت حالنا كما ترون, notre état est devenu comme ce que vous voyez. فهل ترك الله هؤلاء الثلاثة, est-ce que Dieu a abandonné, est-ce que Dieu a laissé tomber ces trois hommes? لا, non. وصل خبرهم إلى الوزير, leur histoire est arrivée jusqu'au ministre Yahya ibn Khalid al-Barmaki, Yahya fils de Khalid al-Barmaki, wazir Harun al-Rashid al-Khalif al-Abbasi, le ministre de Harun al-Rashid, le calife Abbaside. Fa'a'tahum 10,000 dinars, et il leur a donné de son propre argent, le ministre leur a donné 10,000 dinars, al-fayn lil-imam al-Waqidi, 2,000 pour l'imam al-Waqidi. وألفين للتاجر, et 2,000 pour le commerçant. وألفين للرجل الهاشمي, et 2,000 pour l'homme هاشمي. و4,000 لزوجة الإمام الواقدي, et 4,000 dinars pour la femme de l'imam الواقدي. وقال الوزير, et le ministre leur a dit, إنها أكرمكم, elle était la plus généreuse de vous tous. اللهم وفقنا للخير, نسأل الله أن يوفقنا للخير. أيها الإخوة, لا تنسوا اليتامى والمحرومين هناك. N'oubliez pas, mes frères et mes sœurs, les orphelins et les privés dans ces pays de, qui sont pauvres. وأذكر أن اليوم زارنا إخوة لنا من بلجيكا. أتوا لجمع التبرعات لله تعالى وتبارك من أجل مسجد لهم هناك. Donc aujourd'hui, il y a des frères qui nous sont venus de la Belgique afin de collecter de l'argent pour construire une mosquée. فمن بعد الصلاة ساعدوهم يساعدكم الله تعالى وتبارك. Après la prière, aidez-les et Dieu vous aidera toujours. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا من لا إله إلا أنت نسألك في هذا اليوم، اللهم افتح علينا بفتوحات الخير، اللهم اجعلنا ممن يؤثرون غيرهم عليهم ولو كان بهم خصاصة، اللهم اجعلنا ممن يفكر في المسلمين أجمعين ولا يفكر في نفسه وحده، اللهم لا تجعلنا من الأنانيين، اللهم اجعلنا من المحمديين الربانيين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب، يا من لا إله إلا أنت، إن سفراءنا الحجاج ذهبوا من كل الدنيا لأرضك ولبلدك الحرام، اللهم استرهم، اللهم أعنهم، اللهم أرهم مناسكهم، اللهم تب عليهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم احفظهم كما حفظت بيتك الكريم، اللهم ردهم من الحج سالمين غانمين، واحفظ لهم أزواجهم وأولادهم وأموالهم التي تركوا وراءهم، اللهم ردهم كيوم ولدتهم أمهاتهن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.